Chapitre 27e. Claire et sa sœur travaillaient comme de coutume dans la grande salle à manger. Marguerite ne quittait plus un costume noir, d'une coupe sévère, où rien ne trahissait une affectation de deuil, mais qui n'avait aucune des recherches permises à une jeune fille dans sa situation de fortune. Langlois venait de déposer son journal sur la table, et depuis un instant, promenait son regard de sa femme à sa belle-sœur avec une persistance peu ordinaire. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» demanda Marguerite en levant sur lui ses grands yeux entourés d'une teinte violette. « Parce que vous êtes bonne à voir, » répondit-il en souriant. « Je voudrais seulement vous voir des robes un peu plus gaies. »« À quoi bon ?» dit la jeune fille avec une légère rougeur. « Cela ne changerait pas mon humeur. »« Eh, on ne sait pas. » »« C'est une question médicale à approfondir. »« Si vous voulez, ma petite sœur, nous ferons ce livre à nous deux. »« Une simple brochure, si le livre vous effraie. » Nous présenterons un mémoire à l'Académie et nous serons couronnés. Qu'en dites-vous ? Marguerite sourit et se remit à l'ouvrage. Elle souriait volontiers quand on lui parlait. Son chagrin n'avait rien d'apparent ni de pénible pour autrui. Elle se mêlait volontiers aux conversations, répondait toujours avec sa bonne grâce habituelle, plaisantait même en cas de besoin, s'occupait des soins du ménage. Elle prêtait à l'enfant de Claire une attention infatigable, pleine de tendresse et de douceur. Mais pour qui l'observait de près, le ressort était brisé. Sa vie extérieure continuait comme par le passé, mais elle pliait visiblement sous le poids d'une douleur intérieure qu'elle ne pouvait suffire à porter. Sous un prétexte, Langlois pria à sa femme de le rejoindre dans son cabinet, et pendant qu'il se préparait à sortir, il lui demanda quelques détails sur Marguerite. « Elle ne se plaint jamais, » répondit Claire. « Elle est presque gaie, mais elle maigrit rapidement. » Voici deux fois qu'elle fait rétrécir sa robe. Depuis quand ? Depuis 15 jours. Langlois réfléchit d'un air soucieux. Il faut la distraire, la faire sortir, la faire marcher beaucoup. Elle se fatigue tout de suite, fit observer Claire. Raison de plus. Il faut aller dans des endroits où l'on peut s'asseoir, s'y reposer, et continuer la promenade. Il faut qu'elle soit dehors 3 ou 4 heures par jour. Mange-t-elle ? Comme à l'ordinaire. C'est encore pire alors. Parce qu'évidemment elle se force pour ne pas nous inquiéter. Mais ce qu'elle mange ne la nourrit pas. Claire regardait son mari d'un air inquiet. Il lui mit la main sur l'épaule pour la rassurer doucement. « J'aurais pu ne pas te dire cela, mon enfant, » fit-il avec bonté. « Mais une femme de médecin doit savoir tout entendre et tout partager avec son mari, quand il s'agit de ceux qui lui sont chers. Marguerite est très malade. » Madame Langlois frissonna, mais son regard soutint bravement celui du docteur, quoique ses yeux se fussent emplis de larmes. Depuis un mois, car voilà un mois que c'est arrivé, elle a changé au point d'être méconnaissable, continua Langlois. Si cela continuait dans cette proportion, tout serait à craindre dans un temps relativement court. Qu'est-ce qu'elle a ? Balbutia Claire, frappée au cœur. Une maladie à laquelle les médecins donnent plusieurs noms, et que les bonnes gens désignent d'une façon plus caractéristique, ils appellent cela s'en aller de langueur. La consomption ? Dit Claire. « À peu près. Cela pardonne rarement. Il faut distraire, Marguerite, tu m'entends ? Tout doit céder devant cette nécessité, même l'enfant. Si l'enfant vous gêne, vous le laisserez à la maison. La bonne le promènera. » Si Claire avait eu quelques doutes sur la gravité de l'état de sa sœur, cette dernière recommandation lui dessillait les yeux, car elle connaissait l'horreur de son mari pour les soins mercenaires quand il s'agissait du petit garçon. « C'est bien, mon ami, » dit-elle. Pendant qu'un flot de larmes débordait de ses yeux. « Et surtout, ne pleure pas devant elle. Ne lui dis rien qui puisse l'éclairer sur son état. »« Je comprends, » fit Claire. « Il ne faut pas l'effrayer. »« Cela ne l'effrayerait pas, » dit tristement Langlois. « Elle ne demande qu'une chose, mourir le plus vite possible. »« Allons, ma chère femme, ne pleure pas. Aie du courage. Nous la sauverons peut-être. Mais si nous y réussissons, ce ne sera que d'une manière, à force de l'aimer. » « Alors nous la sauverons, » fit Claire en essuyant bravement ses joues inondées de larmes. Il sortit après l'avoir embrassée, il se composa un visage tranquille. Pour mieux y réussir, elle prit au hasard un livre dans la bibliothèque, en lut une page avec attention, s'appliquant à comprendre ce qu'elle lisait, et ses traits reprirent bientôt leur expression habituelle. Quand un coup d'œil dans la glace lui apprit qu'elle avait atteint ce résultat, elle retourna près de Marguerite. « Charles dit que je ne fais pas assez d'exercice, » dit Claire en réponse au regard inquiet de sa sœur. « Il m'impose de longues promenades et veut que je sois dehors 3 heures par jour. »« Comment veux-tu que je sois 3 heures par jour, loin de la maison, loin de toi, loin de bébé? C'est à peu près irréalisable. Pourquoi ? Dit simplement Marguerite. Puisque cela doit te faire du bien, il faut t'obéir, si tu veux gérer avec toi. Claire remercia sa sœur en l'embrassant tendrement, et c'est ainsi que sa petite diplomatie fut couronnée de succès. Le jardin des plantes n'était pas loin. Ce fut le but de leur promenade. Le petit Lucien, accompagné de sa bonne, les suivait d'abord. Mais bientôt les pluies d'automne l'empêchèrent de jouer dans le sable. Il fallait marcher sur le sol détrempé, on le laissa à la maison, et les deux jeunes femmes, se conformant à l'ordonnance du docteur, passèrent des après-midi entières dans le vaste jardin, se réfugiant dans les divers musées lorsque les averses se montraient par trop rigoureuses. Claire jouait à merveille son rôle de malade ennuyée. Elle se plaignait de la longueur des journées perdues ainsi loin du logis, et Marguerite s'efforçait de la consoler et de la rassurer, oubliant ainsi son propre chagrin pour quelques instants. Mais la santé de la jeune fille, qui avait paru un instant se ranimer sous l'influence de l'air vif, commença bientôt à décliner. Les mêmes allées, les mêmes tournants rappelaient infailliblement les mêmes idées, et combien de fois, en surveillant les jeux du petit Lucien sous ses arbres, n'avait-elle pas songé jadis à son bonheur futur, à son ami André, à la douce vie qu'il mènerait, oubliée, inconnue. Ses pensées étaient un poison pour elle. « Il faut changer le but de vos promenades, » dit Langlois consulté par sa femme. « Il faut les visiter des monuments, des quartiers nouveaux. Tâche de l'intéresser, courez les magasins. Si vous ne pouvez rien trouver de mieux, occupe ses yeux afin de détourner son esprit de cette pensée qui la tue. » Avant de recourir à l'extrémité douloureuse et coûteuse de courir les magasins, dit Claire avec un gros soupir, nous allons essayer des monuments. Et elles commencèrent par Notre-Dame, que tout le monde visite et que si peu connaissent. Elles en parcoururent tous les recoins, gravirent les escaliers, firent l'ascension des tours, la recommencèrent, sous prétexte qu'il pleuvait la première fois, et se fatiguèrent consciencieusement, comme des Anglaises qui font le tour du continent sous la direction Cook's. « J'ai toutes les marches de l'escalier dans les jarrets, » dit Claire à son mari le soir de la seconde ascension. « C'est un métier d'âme du purgatoire que nous faisons là. »« Cherchez des endroits moins accidentés, » fit Langlois, qui ne put s'empêcher de sourire. « Vous avez la Sainte-Chapelle. »« Bah pour la Sainte-Chapelle, » dit Claire avec résignation. « Si cela faisait du bien à Marguerite. » « Se plaint-elle de la fatigue ?»« Jamais. Je crois qu'elle ne la sent pas. »« Elle a l'air de marcher dans un rêve. »« Elle part écouter ce que je lui dis. » et voir ce que je lui montre. Et elle répond à peu près. Au fond, je suis persuadé qu'elle n'entend et ne voit rien. Ah, Charles, je n'aurais jamais cru qu'en plein 19e siècle, on pût mourir d'amour. Cela arrive pourtant, répondit Langlois d'un ton soucieux, et plus souvent qu'on le pense. Mais comme ce n'est plus à la mode, nous avons inventé des noms scientifiques pour les dégâts produits par cette maladie morale. Courage, ma chère femme, essayons au moins. Ce sera toujours une consolation que d'avoir fait notre devoir.